Mesdames et messieurs, Mr. Tom. Thank you. le moment présent. Attends, on va voter. Maintenant tu peux y aller. Mesdames et messieurs, à toi Manu. Chanson française. jouer avec le rythme. Chinois. Bienvenue en Chine. Ne vous inquiétez pas, ça va se mettre en route. Des bons sons en plus, ce salaud. What's your keyboard? Virtual sample or real keyboard? Essaye. au synthé. You play guitar on the keyboards. Yes? Bon, c'est le bordel. Je suis obligé de le signaler, c'est le bordel. Titi est toujours là. Titi est parti. Je veux savoir ce qui se passe sur. Attends. Non, je vais essayer le.